puisque rien ne vaut le sommeil, puisque l'équilibre n'existe pas, puisqu'il est impossible de croire encore, puisque nos prières se vaporisent, puisqu'il est tellement facile de voguer sur la merde. Puisque la vie s'écrase, puisque les yeux s'arrachent et se vendent, puisque son cul se marchande sur un trottoir, puisque les kalachnikovs existent, puisque l'amour s'éjacule comme un tube de mayonnaise, puisque les anges sont baïonnés, puisque les trisomiques ont encore l'espoir de rire. Puisque la musique s'écoule, puisque l'épaule s'effondre, puisque les capotes s'enfilent, puisque je rêve encore de nous, puisque les enfants grandissent, puisqu'ils s'emmerdent à l'école, puisque les parisiens klaxonnent, puisqu'ils s'épuisent pour te nourrir, puisqu'elles crèvent en silence. Puisque l'Holocauste, puisque Pasqua, puisque Le Pen, puisque De Villiers, puisque Maigret, puisqu'aujourd'hui n'est pas demain, puisqu'après tout je m'en fous, puisqu'un jour ou l'autre. Puisque le bruit, puisque l'odeur. Puisque l'argent leur suffirait, puisque la femme ne comprend pas que l'homme ne vaut pas plus que ça, puisque l'Afrique est loin là-bas, puisque tout est relatif, puisque la physique est quantique, puisque l'univers s'élargit. Puisque je crève à petit feu, puisque mon café refroidit, puisque la seule certitude que j'ai c'est d'être dans le doute, puisque des proches l'ont déjà dit, puisque la queue du lézard, puisque la logique n'est qu'un hasard, puisque la route est sinueuse, puisque tu danses dans la sueur. Puisque les chiens ne font pas les chats, puisque tout tourne autour de moi, puisque moi, toujours moi. Puisque ta famille n'est plus là, puisque la raison me dégoûte, puisque je pense encore à toi. Puisque j'oublierai demain, puisque les cathédrales sont vides, puisque la Star Academy. Puisque la liberté s'achète, puisque la dernière cigarette sera sa dernière volonté avant d'être électrocutée, puisqu'il gémit, puisqu'il se plaint, puisque personne ne veut de lui, puisque je vous salue Marie, puisque la haine et les cris. Puisque le foot est GTA, puisque le pinard est la bière, puisque tu finiras sous terre, puisqu'ils ont tiré dans le tas, puisque les tournantes et les viols, puisque les multi-récidivistes, puisque l'enfer est juste là. Puisque nous croisons les bras, puisque l'on ne saura pas, puisque les embouteillages, puisque les corridors, puisque mon iPod est en panne, puisque mon iPod est en panne.